Bonjour à tous et bienvenue pour le 7e podcast footballred.com spécial Coupe du Monde. Alors aujourd'hui avec Seb et Baptiste, nous reviendrons sur les actualités de l'équipe de France en ce moment qui sont vraiment pas très bonnes. Nous parlerons du match qui opposait l'Algérie à l'Angleterre qui s'est déroulé hier soir, ainsi que du match entre les Pays-Bas et le Japon de cet après-midi. Bonne écoute. Et donc avec nous, comme tous les jours, Baptiste. Salut Baptiste. Salut Albertine, salut Sébastien, salut à tous. Et notre invité du jour est Sébastien, qui avait déjà participé au podcast Football Ride, notamment lors du quiz d'entre blogueurs, qu'il avait d'ailleurs remporté. Salut Sébastien, on le rappelle, blogueur pour PK Foot. Salut vous deux, salut Albertine, Baptiste. Alors on n'a qu'à commencer par le match qui s'est déroulé hier soir entre l'Angleterre et l'Algérie, donc qui s'est soldé sur un match nul 1-1. L'Angleterre qui avait déjà pas impressionné lors de son match face aux États-Unis et qui a encore moins impressionné hier. D'ailleurs, les supporters anglais s'affolent un petit peu sur où en est leur équipe. Et une équipe d'Algérie qui, elle, a plutôt rassuré ses supporters parce qu'on se souvient de son premier match de poule face à la Slovénie qui s'était soldé sur une défaite assez dure, 1-0, où ils avaient vraiment été absents du match. Là, ils se sont montrés assez opportunistes. Mais bon, revenons à cette équipe d'Angleterre. Deuxième match nul, les supporters anglais donc 5e, comme j'ai dit. Quelle impression elle vous a donné à vous ? Elle est faible, très faible. Et elle ne ressemble pas à ce qu'on attend de l'Angleterre depuis deux matchs. C'est un peu la même chose que contre les États-Unis, voire pire, parce qu'il n'y avait plus trop de jeux. C'était un peu l'équipe de France sur certaines périodes de jeu. Et il y a des choix qui ressemblent un peu à ceux de l'équipe de France. Par exemple, le choix de Domenech de garder Anelka, ça se revoit un peu avec le choix de Capello de garder Eske devant. Rooney n'est pas là. Il n'est pas encore rentré dans le mondial et je ne sais pas s'il va rentrer un moment dans le mondial. Lampard n'est pas là, Gerrard essaye de faire quelque chose mais il est limite en train de couler. Et derrière, Terry n'est pas présent non plus. Ils ont changé de gardien parce que Green, à mon avis, ne reverra plus le terrain avant longtemps. Et donc, le gardien, on le connaît, non, il n'y a pas vraiment de changement. Non, c'est décevant et on attendait une réaction, il n'y en a toujours pas et j'ai peur qu'il n'y en ait pas sur les trois matchs. Moi, j'ai trouvé l'Angleterre dans la lignée de toutes les autres grandes équipes, soi-disant, ce mondial, à part les équipes sud-américaines, toutes les autres équipes ont déçu. L'Angleterre, c'est pareil, c'est super médiatisé, c'est beaucoup de pression, beaucoup d'attentes par rapport à un effectif qui, individuellement, est un petit peu comme la France, c'est exceptionnel. Et puis, une fois que le coup d'envoi est donné, on ne reconnaît plus les joueurs. Un peu à la manière d'un Anelka en France, qui est parfait avec Chelsea, et puis qui n'arrive plus à faire quoi que ce soit en sélection nationale. Mais là, on a des Terry qui ne savent plus relancer, on a des Rooney qui ne savent plus où est le ballon, il y a des joueurs qui ne se reconnaissent plus. Eske, évidemment, c'est un petit peu l'erreur, en fait, enfin, le point d'interrogation de cette sélection. Plus encore que l'arrière-gauche ou le poste de gardien de cette sélection anglaise. Donc on va dire que c'est assez décevant, mais encore, la Coupe du Monde n'est pas encore finie, les phases de groupe ne sont pas finies. On se rappelle par exemple pour la France qu'en 2006, à la sortie des phases de poule, tout le monde voyait la France se faire trucider parce qu'on s'était qualifié au dernier moment, donc on attend de voir, mais pour l'instant ça fait peur, très peur pour les grosses sélections. Donc pour revenir à Rooney, tout le monde disait que ça allait être sa Coupe du Monde en 2010 parce qu'il avait fait un début de saison tonitruant à Manchester United, que depuis le départ de Ronaldo, en fait, c'était devenu la vedette avec un grand V de Manchester. Et on se souvient qu'il s'est blessé le 30 mars dernier. Est-ce que vous pensez qu'il s'est en fait toujours pas remis de sa blessure ? Moi, je pense pas. Je pense que c'est le système de jeu qui lui convient pas. Qu'il a l'air aussi très fatigué. Alors, est-ce que c'est la saison qui pèse ? Est-ce que c'est une mauvaise préparation ? Est-ce que après, ça peut être aussi cette blessure qui l'a marqué ? Je suis pas sûr parce qu'il avait bien réagi juste après en venant sur le terrain et en reprenant un niveau plutôt correct. Donc, je pense qu'il y a vraiment un problème dans le système que Capello met en place. Il faut qu'il joue pour Rooney parce que c'est le meilleur élément de l'équipe. Et si Rooney tire l'équipe vers le haut, le reste va suivre. Il y a tellement de facteurs en fait dans la réussite d'un joueur, notamment pendant une Coupe du Monde. On dit souvent en général qu'un joueur réussit sa Coupe du Monde en ayant déjà au préalable réussi sa saison. Rooney a eu un énorme démarrage, il était exceptionnel tout le début de l'année. Malheureusement, il s'est blessé à un moment qui était vraiment le pire, c'est-à-dire là où son équipe avait le plus besoin de lui, là où la sélection avait le plus besoin de lui. Et donc, je pense qu'il est arrivé diminué, mais bon, il y a tellement de facteurs. Il y a le système de jeu, comme tu disais, il y a le moral, il y a beaucoup de choses. Et puis, hier, le jeu des Algériens ne faisait rien pour mettre en confiance Rooney. Rooney était complètement isolé devant. Et avec un SK à côté, c'est pas forcément le meilleur des avantages. Donc, on voit le potentiel de Rooney, ça c'est clair, on connaît ses capacités. Et puis on est quand même déçu. C'est vrai, il fait partie de la liste des quelques joueurs qui sont en dessous de leur niveau, du niveau attendu. Et alors, moi j'avais une question parce qu'on voit vraiment que les équipes européennes, pour l'instant, les grandes équipes européennes ne sont pas trop au rendez-vous, comme tu l'as dit Seb, dans cette Coupe du Monde. Est-ce que vous ne pensez pas justement que ces équipes se sont. Enfin, on écarte la France quand même parce que c'est autre chose, mais que ces équipes ne se sont presque trop préparées et ont presque un schéma tactique à mettre en place sur le terrain et que ça fait qu'elles n'osent pas faire autre chose ou des choses comme ça et qu'il manque un peu ce brin de folie qui peut être bénéfique en Coupe du Monde? Moi, je pense pas personnellement que ce soit. Enfin, c'est un problème qui concerne toutes les sélections. Par exemple, le rythme de jeu enfin, le nombre de matchs d'une saison pour toutes les sélections est quasiment le même, étant donné que les joueurs de toute la Coupe du Monde, à peu près, jouent dans les championnats européens. Donc, c'est à peu près le même nombre de matchs à 5 ou 6 près. Donc, je me demande si. Enfin, je pense qu'il y a tellement de facteurs. Il y a le fait de jouer en altitude, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, évidemment, en Europe, à part pour les Autrichiens ou les pays comme ça. Mais le fait de jouer en Afrique du Sud, c'est comme si. À l'époque, on avait joué en Corée, on n'avait pas du tout pu se faire au rythme de vie, au décalage horaire, peut-être. Bon, là, il n'y a pas de décalage horaire en Afrique du Sud. Je pense qu'il y a tellement de facteurs. Je pense qu'il y a une accumulation qui a fait que, même par exemple, l'Espagne avait tellement de pression. L'Espagne a réagi très mal à la pression en 2008. C'était presque un miracle qu'ils gagnent ce championnat d'Europe. Et puis là, on voit qu'on leur a mis la pression maximum. En 2008, on ne les attendait pas. En 2010, on les attend, ils se ratent. Mais il faut voir encore leur match. Ils ont encore deux matchs pour convaincre. Mais bon, c'est difficile pour tout le monde, je pense. Après, est-ce qu'il faut rajouter le ballon? Est-ce qu'il faut rajouter Le ballon, c'est le même la pour tous les joueurs. Le Ah oui, mais ballon, c'est le même le pour tous les résultat, il n'y a pas des matchs quand même très fabuleux, quoi. On nous parle que, on nous dit que ce ballon favorise les frappes de loin. Moi, j'en ai pas encore vu des super frappes de loin. À part la frappe de Tchabalala en match d'ouverture face au Mexique. Sans doute par rapport à ça, quand on voit des défenses qui ne sortent pas, on voit des systèmes de jeu complètement fermés. Il y Et a... puis sur les coups francs, on nous dit bah, il faut juste cadrer le ballon. Ça a des chances de rentrer. Tous les joueurs les mettent dessus, mais vraiment tous. Tu vas du moins bon au meilleur. Il n'y en a pas un qui arrive à bien cadrer son tir et en faire un joli. Il y a Gourcuff qui arrive à en faire un beau. Et... Là aussi, il y a à prendre en compte le facteur altitude, qui fait que bon, il y a moins d'oxygène, plus en monde moins il y a d'oxygène, donc plus le ballon va vite. Et bon, après, il ne faut pas non plus excuser les joueurs, trouver des excuses aux joueurs. Ils ont tellement de pression, c'est que maintenant, ce n'est pas la pression de marquer des buts, c'est la pression de s'en prendre. Donc, on voit des jeux très fermés, très crispés, qui se jouent sur des petites erreurs, sur des petits détails. Et c'est dommage, parce que moi, personnellement, je suis pour l'instant légèrement déçu par le déroulement de cette Coupe du Monde, de par le jeu qui est développé, à la limite, qu'il n'y ait pas de but, ça, c'est pas le plus grave, mais qu'il n'y ait pas de jeu pour l'instant qui est développé par les équipes. Donc, alors est-ce que c'est le brassage justement des phases de poule? On va voir ça en tournoi éliminatoire dès la semaine prochaine, mais c'est assez décevant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Ah, si, oui, on est déçus. Et Et... on l'a été encore avec, on va en reparler, mais du match, comme dit hier soir, comme celui des Pays-Bas cet après-midi, et celui même du Ghana, là, on ne voit pas encore de grands matchs, c'est le problème. Alors que, je me souviens qu'il y a 4 ans, on avait déjà vu des matchs assez spectaculaires, assez intenses, etc. Alors après, il y a peut-être l'arbitrage aussi, parce que sur certains matchs, les arbitres, ils ont tendance à sortir beaucoup les cartons. Là, au match de la Hollande contre le Japon, ils n'ont pas sorti les cartons, mais le match n'a pas été non plus génial. Baptiste, en fait, pour revenir à Algérie-Angleterre, tu nous avais parlé dans un podcast précédent de l'équipe d'Algérie que tu trouvais assez faible et qui se reposait sur une qualification incroyable en Coupe du Monde. Est-ce que hier, le fait qu'ils puissent tenir tête à ces Anglais, ça t'a donné toujours la même opinion de cette équipe ou Non, c'est un peu ils m'ont changé? bluffé hier parce que j'avais une mauvaise. Non, mais en même temps, enfin, j'avais une mauvaise image de l'Algérie, mais en même temps aussi, j'avais l'impression que la qualification était un peu. Tenait un peu à l'irréel et plus à un esprit de groupe de pays qui étaient juste contents d'aller à la Coupe du Monde. Là, ils ont vraiment montré qu'il y avait aussi un jeu dans cette équipe et peut-être qu'ils ont commencé enfin à se réveiller, mais en même temps, quand tu joues contre une équipe plus forte, tu as tendance à hausser ton niveau de jeu. Eux, ils l'ont très bien fait. Ils étaient au-dessus de l'Angleterre. Ils auraient gagné. Moi, ça ne m'aurait pas paru non plus immérité. Ils ont eu des... Ils n'ont pas réussi. En fait, l'Algérie n'a pas réussi un bon match. Surtout l'Angleterre, en fait, qui leur a été, j'ai l'impression. Aussi, le fait que l'Angleterre soit à un faible niveau a sublimé l'Algérie. Et l'Algérie a pêché un peu dans le dernier geste. Mais il y a des joueurs comme Yebda, comme Ziani, que nous, on connaît. Parce que la plupart des... Là, je crois que la moitié de l'effectif algérien qui a la Coupe du Monde est né en France et a joué en France. Donc, on les connaît très bien. Et les Ziani, Yebda, etc., qui ont été bons hier. Bouguera aussi, qui a été génial. On les connaît bien. On sait qu'ils sont bons. Et là, ils ont montré qu'en plus, ils savaient jouer ensemble. C'est assez intéressant. Moi, j'attends après de voir leur dernier match. Après, c'est contre les États-Unis. Les États-Unis qui ont fait quand même un match assez fort et qui auraient, normalement, on reviendra peut-être pas dessus, mais dû gagner le match contre la Slovénie. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais c'est un groupe encore très, très ouvert. On peut passer au deuxième match entre, qui s'est déroulé cet après-midi, au début d'après-midi, entre la Hollande et le Japon. Alors, on rappelle juste que la Hollande avait gagné son premier match 2-0 face au Danemark et le Japon aussi. Face au Cameroun 1-0, donc c'était un duel de vainqueurs et les deux premiers de ce groupe. Donc la Hollande qui gagne 1-0, une victoire qui a été très dure à se dessiner pour les Pays-Bas, qui ont encore eu du mal à imposer leur jeu en fait, qui ont beaucoup dominé, mais on sait que dominer n'est pas joué. En face, il y avait une équipe du Japon assez bien en place, que ça soit tactiquement, techniquement et offensivement ou défensivement, voilà. Une équipe des Pays-Bas qui repart avec les 3 points, donc ça leur fait 6 points et donc une qualification quasi assurée pour... le tour prochain. Mais bon, on sait que cette équipe peut faire beaucoup mieux, donc c'est vrai qu'elle descend un petit peu malgré cette victoire. Il y a l'espoir, mais qui tient la baraque, puisque pour l'instant, ils sont à 2 victoires, et avec l'Argentine, c'est les deux meilleures équipes sur les deux premiers matchs. Ils ont une qualité qui reste, quoi qu'il arrive, qui joue mal ou bien, il y a toujours de la qualité dans l'effectif, ils sont capables. Là, on l'a vu avec Schneider qui fait un tir et ça rentre, mais c'est pas une action construite, c'est pas du beau football. Il y a encore des incompréhensions dans l'effectif, même si je trouve que ça a tendu vers la fin à être de mieux en mieux. Et bizarrement, c'est quand Van Persie était plus à la pointe de l'attaque que ça jouait mieux. Peut-être se poser des questions. Après, Van Persie a besoin de retrouver le niveau. Il est un peu comme Rooney, sauf que lui, il a vraiment été absent toute la saison. Il est revenu que pour les deux derniers matchs d'Arsenal, je crois. Huntelaar et Affelé, pour moi, c'est du gros potentiel. Maintenant, il reste à trouver, encore une fois, comment jouer. Le Pays-Bas a toujours impressionné en phase de poule sur les dernières compétitions avant de sombrer, souvent en huitième, de se faire éliminer après avoir était à 9 points en sortant de la phase de poule. Et là, ils doutent, mais encore une fois, ils prennent des victoires dans un groupe qui est largement à leur portée. Le match contre le Cameroun va être, à mon avis, très intéressant, sauf si le Cameroun perd ce soir. Donc, encore à voir. Mais de toute façon, il n'y a pas de niveau énorme dans cette Coupe du Monde pour l'instant. Moi, je trouve que là... Enfin, j'ai pas vu le match hein, tout à l'heure au Hollande de Japon. Malheureusement, c'est l'équipe que j'aime bien dans la France, mais malheureusement, j'ai pas pu suivre pour l'instant. Mais en tout cas, la Hollande, ce qu'elle a dégagé pendant les matchs de préparation, c'est que c'était surtout une diesel. C'est-à-dire qu'elle a commencé ses matchs avec toutes petites victoires pour finir sur des véritables cartons. Et j'ai peur que pendant cette Coupe du Monde, ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils commencent avec la pression de est-ce qu'on va se qualifier ou pas. Maintenant qu'ils ont les 6 points, je pense que le dernier match contre le Cameroun, tu crois? Oui. Va être... totalement débridé, à mon avis, et va être vraiment porté vers l'attaque, avec pourquoi pas des remplaçants qui ont toutes leurs chances possibilités de se montrer. Donc, c'est vraiment l'âge d'or pour l'instant pour la Hollande. Je crois qu'ils étaient en finale ou même ils ont gagné le championnat d'Europe il y a quelques années. Donc, ils sont vraiment dans une époque où voilà, il y a tout leur réussi, ils ont des joueurs de talent à peu près à tous les postes. On parle souvent de leur défense. Et du poste de gardien de but qui, soi-disant, pas assez expérimenté. Je suis désolé, enfin, c'est des gardiens et des défenseurs qui ont largement le niveau international, qui ont fait les saisons pleines, qui ont surtout un moral d'acier. Donc je les vois aller loin, c'est hollandais, et puis je pense que vous le savez, moi je les vois carrément aller au bout. Alors moi je voudrais vous parler d'un joueur, c'est-à-dire Onda, qui est titularisé en attaquant de pointe en sélection, mais qui est pourtant milieu dans son club. Et qui est quasiment celui qui est à chaque fois au départ des actions offensives du Japon. Donc pour moi, c'est un joueur assez complet, etc. Et qui a encore une fois montré tout son talent aujourd'hui. Est-ce que pour vous, c'est un joueur qui peut exploser ou enfin, se montrer vraiment au grand public lors de cette Coupe du Monde? Dans l'ensemble, l'équipe du Japon est assez, il est assez bonne et il y a de la cohésion, etc. Elle est très équilibrée. Là. Ouais, voilà. Et ce qui permet d'avoir un bon jeu. En défense, on retiendra Tanaka, puisqu'on l'a vu beaucoup de fois prendre les ballons de la tête, etc. Et permet à son équipe de dégager. Devant, il y a Honda, mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi Kourou qui a été aussi très très bon. Matsui qui a déçu, par contre, et qui a été vraiment très décevant. Voilà, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'individualité. Vrai que Honda est au-dessus, il ne faut pas oublier qu'il allait juste en quart avec le CSKA Moscou. Que voilà, c'est déjà plutôt une étoffe européenne. Maintenant, il y a peut-être une étoffe internationale. Et avec le Japon, je pense qu'il peut faire quelque chose, au moins se qualifier pour le deuxième tour. Au vu de leur jeu, ça ne serait pas immérité du tout. Donc on passe à la troisième partie du podcast qui concerne l'équipe de France. Alors après la défaite face au Mexique 2-0 dont on a parlé hier dans le podcast, beaucoup de choses sont tombées ce matin dans l'équipe qui relèvent des informations assez choquantes. Comment vous avez accueilli ce que vous avez appris ce matin ? Il fallait s'y attendre un peu, je pense. Il fallait s'attendre qu'il y ait de la poussière en fait, qui ressorte de sous les meubles une fois que l'équipe avait l'occasion de descendre l'équipe de France. Il fallait s'y attendre, je pense. Mais en même temps, ils sont tellement, on va pas dire protégés, mais ils sont pas pris. Bon, l'équipe n'est pas trop réputée pour ça. L'équipe, dès qu'il y a l'occasion de taper sur l'équipe de France en général, ne s'en occupe pas. Mais... Ils sont plutôt sympas parce que c'est le quotidien national. Et là, c'est même pas l'équipe de France, c'est plus Anelka et les cadres, les pseudo-cadres qu'on a eu pour ces deux premiers matchs. Là, ils se font bien reprendre. On a entendu hier sur une radio qu'il fallait que Galas, Anelka, Ribéry ne reviennent plus jamais en équipe de France. Je pense que c'est pas faux, je pense qu'il ne revient pas. Je pense qu'il y a l'histoire avec Gourcuff, et si Laurent Blanc arrive, l'histoire avec Gourcuff va faire très mal parce qu'on connaît la relation entre Laurent Blanc et Gourcuff. Je pense que Ribéry est loin de revoir l'équipe de France. Je pense qu'Anelka c'est terminé parce que déjà qu'il avait une très mauvaise réputation, là on l'a un peu gracié l'autre fois, et ben là c'est la rechute pour lui. De toute façon, il n'était pas indispensable au vu de ses performances. Pardon ? Et Ribéry ? Ribéry, je pense qu'il ne reviendra pas pour des raisons, pour son comportement avec Gourcuff notamment. Je pense qu'on peut se passer de son jeu. Non, on peut pas s'en passer, mais on peut se passer d'un mec qui nous dit pendant un an qu'il va être le nouveau Zinedine Zidane, qui va être le meneur de cette équipe et qui en fait n'est rien. Que sur deux matchs, et sur cinq matchs, si on compte les matchs de préparation, à chaque fois qu'il a le ballon, il fait le même geste. C'est-à-dire, je fais mon accélération, je fais un râteau et je centre à terre, ou alors je fais un centre. Voilà, c'est très, très, très, très, très bas, techniquement, ce qu'il a fait, je trouve. On attendait énormément, il n'a pas su être là, alors qu'il nous a. Mais vraiment, moi, j'ai l'impression d'entendre toutes les semaines dire on sera là, moi, je serai là, de toute façon, même si je suis blessé, je vais me préparer. Voilà, c'est un peu un mystère ce joueur, et il comparé à Malouda, mais alors je le trouve bien, bien moins bon, et surtout bien trop un but de cette personne. Je vous interromps deux secondes parce qu'en fait on vient d'avoir des propos de Nicolas Anelka qui a choisi François pour parler après ce qui s'est passé. Alors je cite, « J'ai beaucoup de respect pour l'équipe de France, j'ai également beaucoup de respect pour tous mes coéquipiers sans exception, j'insiste là-dessus. » L'équipe de France a une grosse échéance mardi prochain contre l'Afrique du Sud avec encore une qualification possible dans cette Coupe du Monde. C'est la raison pour laquelle je préfère ne pas m'exprimer pour le moment, mais je tiens à préciser que les mots qui sont sortis dans la presse ne sont pas mes mots. J'ai eu certaines discussions houleuses avec le sélectionneur, mais elles s'est déroulées dans le secret du vestiaire, entre le coach et moi, devant mes partenaires et le staff. Cela n'aurait jamais dû sortir du vestiaire. Je ne sais pas à qui cela peut faire du bien de répondre de telles choses, mais certainement pas au bleu. Mon but n'a jamais été de déstabiliser l'équipe de France, une institution que je respecte. J'accepte mon exclusion de l'équipe de France et je souhaite bonne chance aux Bleus contre l'Afrique du Sud, a-t-il dit. Ouais, on se demande quand même si c'est lui qui l'a écrit ou son attaché de presse. Moi, j'y crois pas trop. Moi, j'y crois que le problème, on sait pertinemment qu'Anelka est un moral de merde. C'est un joueur, voilà, il est pétri de talent. C'est un Ben Arfa version blague, je pense. C'est-à-dire que le mec, c'est un génie dans la balle au pied, et puis même s'il a été mal placé sur le terrain, il n'avait pas à parler comme ça à son entraîneur, surtout. D'une part, déjà, pour respecter l'entraîneur et pour respecter les 65 millions de Français qui sont derrière lui. Je pense que le problème, il va plus loin que le seul cas Anelka. Je pense qu'il va aussi, par rapport à ce que j'ai pas du tout apprécié pendant cette Coupe du Monde par rapport à l'équipe de France, c'est le capitanat de Patrice Evra. Moi, c'est sa langue de bois, en fait, pendant toute la Coupe du Monde. On était là, oui, nous sommes prêts, oui, il y a une excellente ambiance dans le groupe. Il faut savoir, soit les capitaines, ils disent exactement, ils essaient de recadrer ces équipes, soit ils n'y arrivent pas. Et on voyait bien sa larme pendant l'hymne national. Sa larme était totalement ridicule. Ça servait à rien, on se prenait pour un Nord-Coréen. C'est vraiment ridicule et j'ai vraiment mal pris son comportement, mal pris sa prestation évidemment, France-Mexique, où il se fait déborder à tous les niveaux. Je pense que le problème était en fait tout ce qui pouvait arriver de mal pendant cette Coupe du Monde à l'équipe de France est arrivé. Et voilà, il faut en tirer les conclusions, faire la technique de la terre brûlée, quoi, repartir sur des bases saines, en privilégiant peut-être le mental aux qualités techniques pures. Quand je vois par exemple certains qui critiquent André-Pierre Gignac, si au moins lui se battait pour des ballons, même s'il ne savait rien faire balle au pied, au moins il se battait pour des ballons. Puis moi ça ne me dérange pas de pas mettre de but si derrière on a du jeu, une bonne ambiance et puis une fierté, je crois, pour cette équipe. Mais est-ce que justement le fait que tout éclate maintenant et que voilà, enfin, autant se le dire, on est quasiment éliminé de cette Coupe du Monde, est-ce que ça peut pas avoir pour plus tard, si on fait le vide qu'il faut, si on fait les changements qu'il faut faire et le nettoyage qu'il faut faire dans cette équipe, est-ce que ça peut pas justement avoir un effet bénéfique qui nous aura justement permis de Seulement, repartir sur de nouvelles bases? tout le but de cette implosion-là, c'est de repartir sur de bonnes bases et de construire une nouvelle dynamique, d'arrêter de vivre dans ce souvenir, on l'avait dit, hein, au dernier podcast de 98-2000, et de faire ce pseudo-héritage où en fait on y repense tout le temps et quand nos références sont encore là-dessus. Donc il nous faut de nouvelles Parce que bases. Flelan avait raison. Flelan avait raison en disant que France 98 faisait chier l'équipe de France 2010. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parlait de l'équipe de France, on comparait à 98 et 2000. Voilà. Il n'y a aucune comparaison possible, déjà de par l'état d'esprit, de par le football qui a largement évolué depuis. Et puis je pense que les leçons, on dit retenir des leçons, mais je me demande s'il y a des leçons à retenir. Parce que 4 ans vont séparer, 2 ans avant la prochaine grande compétition internationale. Et je pense que les choses vont se tasser, vont se décanter. Et si on ne bouge pas d'un point de vue hiérarchie à la fédération, on risque de retomber dans le même travers. Il suffit de vraiment faire un choix professionnel. C'est quand même un travail qu'ils ont. Et puis, il y a certaines fautes professionnelles qui ont été commises. De toute façon, là, il y a des annonces qui vont fuser. Il y a déjà Escalette qui a C'est des annonces pleines de langue de bois, ça, ces non, non, annonces. non, non, non, mais je parle des annonces. Par exemple, Escalette qui a dit que mercredi, il ferait une conférence de presse et qu'en fonction du résultat de la France, si la France est qualifiée, il y a peu de chance, il annoncerait plus ou moins qu'il se retire et qu'il part. C'est ce que tout le monde veut et de toute façon, il va être obligé au bout d'un moment. Il nous a quand même annoncé l'arrivée de Laurent Blanc comme son seul fait d'armes à la tête de la Fédé. Le truc, c'est que Laurent Blanc n'a pas encore signé, que le contrat de Laurent Blanc, il faut s'appuyer juste enfin, faut regarder ce que c'est, parce que c'est quand même beaucoup de clauses assez étranges. Notamment le fait que normalement, si Laurent Blanc est à la tête de l'équipe de France et qu'un grand club lui demande de venir, il y a une clause libératoire donc pour Laurent Blanc. C'est a priori dans les bases du contrat, et je pense pas que ça soit une bonne idée pour un sélectionneur qu'il puisse partir dès qu'un grand club lui dit de venir, surtout que Laurent Blanc, on sait que c'est du potentiel, on sait que c'est un bon entraîneur et qu'il a déjà eu quelques touches avec des grands clubs. Donc, ses limites, on sait qu'il va partir au bout d'un moment. Il fallait peut-être rechercher. On reparle de 2008, oui, c'est la grosse erreur. Et tout le monde, tous ces gens-là vont sauter, je pense, au fur et à mesure. Il faut qu'ils sautent, parce que c'est pas en gardant les mêmes structures. Tout ce mal vient de copinage, etc. Ce copinage, c'est Escalette, c'est Houllier, c'est Domenech qui est juste lui une conséquence de ce copinage-là. Lui, Domenech, il a été mis parce qu'on aime bien les gens. Mombers qui a remplacé Domenech pour les espoirs. Mombers, c'est un copain de Houillier, etc. Donc c'est moche, mais c'est les Ça, faut pas institutions. se voiler la face, hein. De toute façon, tout ce qui est institutionnel est basé sur du relationnel, évidemment, sur des pistons, sur des connaissances, sur des... Ah ben tiens, Non, je te mais conseille celui-là. t'as relationnel et relationnel, parce que là, c'est même plus relationnel, c'est t'appelles ton copain, tu lui dis, tiens, tu veux être sélectionneur de l'équipe de France, bah, il y a peut-être un poste pour toi, etc. Ça en devient quand même assez ridicule, je pense pas que ça se passe partout pareil. Alors, est-ce que la solution, c'est de prendre un sélectionneur étranger? Je pense pas qu'on en est capable et Non, on a des entraîneurs de qualité en France. Il suffit de bien les choisir. Moi, je ferai surtout attention par rapport à 2004. Tout le monde, l'équipe, les premiers, était là pour dire que Domenech devait être la solution de remplacement à Jacques Santini. On a vu les résultats. Moi, perso, je ne veux pas me précipiter à prendre Laurent Blanc. Pour tout le respect que j'ai pour lui, il a fait une excellente saison l'année dernière avec Bordeaux. Il reste jeune, pas particulièrement convaincu. Moi, je ne vais pas être hyper enthousiaste à prendre Laurent Blanc. Mais encore une fois, des gens disent qu'il ne faut pas prendre Laurent Blanc, c'est encore les gens de 98 qui disent, qui ont appelé Laurent Blanc pour lui dire qu'il ne fallait pas qu'il prenne l'équipe de France tout de suite. Donc ça veut dire que les gens de Laurent Blanc ont encore un poids, les gens de France 98 ont encore un poids tellement énorme que c'est limite si Escalade va les écouter à la fin. Le constat n'est pas encore signé, moi je trouve ça quand même assez chaud, sachant que on n'a plus de sélectionneur dans sûrement une semaine. Mais est-ce qu'il faudrait par hasard un sélectionneur étranger, par exemple, comme il y a en Angleterre? On n'en est pas capable. Et puis, comme dit Sébastien, oui, il y a du potentiel au niveau des entraîneurs. Bon, parce qu'en Angleterre, je ne sais pas pour être méchant, mais ils n'ont pas d'entraîneur. L'Angleterre n'a jamais formé d'excellents entraîneurs. Et ce n'est pas comme l'Italie et la France qui sont des fournisseurs d'entraîneurs très, très, très bons. Alors voilà, on a tout derrière. Il n'y a pas que Laurent Blanc, on en a parlé. On a dit beaucoup de noms, mais Laurent Blanc a. Bien sûr, on a été mis au-dessus du lot parce que Laurent Blanc sortait d'une saison géniale avec Bordeaux et qu'au début quand on en a vraiment commencé à en parler sérieusement, Bordeaux faisait une très belle saison. Et c'est quand on a commencé à dire, et quand Escalette a dit que c'était Laurent Blanc, que Bordeaux s'est un peu cassé la gueule et que ça s'est terminé comme on a vu il y a un mois. Donc c'est Escalette qui n'a même pas encore fait signer Laurent Blanc, mais par contre qui a à mon avis fusillé la saison de Bordeaux. Alors que niveau nom, on en avait sorti plein d'autres qui étaient, à mon avis, très intéressants. Bon, alors vous l'avez compris, pour nous, il faut un peu changer, en fait, à chaque poste des gens. C'est comme un gouvernement, en fait, un président peut décider de dissoudre l'Assemblée. Là, il faut que Laurent Blanc arrive, ou un nouveau président du foot français, enfin, quelqu'un à la place d'Escalette, et que tout change parce que ça va plus. C'est d'ailleurs sur ces mots que nous allons vous quitter. On vous dit à demain pour un nouveau podcast. Baptiste, à demain, comme chaque jour, même heure, footballride.com, le podcast que vous pouvez retrouver dans la journée même. Ouais, demain. Et Sébastien, on te souhaite bonne chance pour pkfoot.com et voilà, on espère t'accueillir à nouveau dans le podcast. Un article sur les équipes favoris. T'inquiète pas, Baptiste, je vais le faire. Je vais le faire, promis. Ok. Ça marche, merci à vous, à bientôt, salut.